français. Bonsoir, ceci est une expression d'émission libre. Donc, on laisse la parole libre. Oui, je t'entends. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est le son qui rentre dans les micros, là, ça. Ah. Jouer, est-ce là. Que je peux faire de la guitare? Ouais. Ouais, tu peux. Mais ça me tombe de l'oreille. Oui, c'est bon là. Je t'entends. Bonsoir, c'est donc une émission d'expression libre. sponsor. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM dans la région toulousaine, donc le sud-ouest de la France, et son canard, et ses tripes, ses torboyaux, et ses fripes. Bienvenue à Toulouse sur le 92.2 FM MHz, c'est-à-dire onde radio, donc spéciale radiation ce soir dans Nuisance, émission qui nuit au sens, émission de Nuisance. Vous pouvez appeler au 05 61 53 36 95, je répète le 05 61 53 36 95, et également consulter le site de Canal Sud au www.canalsud.net. Dans le micro là-bas. Ah. Est-ce que je peux faire de la guitare? Ouais, tu peux. Mais ça me tombe des oreilles. Ah, mince. Comme ça. Ça va là, comme ça? Oui, c'est bon là. C'est gros un piano, tu sais, alors c'est pas pratique, quoi. C'est pas pratique pour, bah, pour en faire, quoi, parce qu'il faut trouver un piano, c'est gros, hein, c'est lourd. Ça prend de la place, ça va non. Ça prend de la place, ça va non. Ça prend de la place, ça va non. Ça prend de la place, ça va non. Ça prend de la place, ça va non. prend de la place, ça prend de la place, ça prend de la place, ça prend de la place. Alors j'ai un clavier maître, ça s'appelle. C'est un clavier pour faire comme du piano avec un ordinateur. Tu comprends? Hein? Je branche comme un piano sur l'ordinateur et je peux faire du piano. C'est des fois, je fais ça. Mais il faut le faire. Hein? Faut le faire. Alors je le fais pas souvent. Mais... Pourquoi t'as dit là? Oh, c'est de la merde. peux me parler devant, derrière. T'es obligé de le rappeler alors. Je rappelle pas un très sujet. Non, c'est un aveugle. Ouais, tu t'en grilles par la meuf là. Elle t'a tué. Elle t'a pris. Elle t'a comme dans l'human trafic. Bah non. Pourquoi je l'ai regardé, il était sur mon ordinateur. Je m'en souviens, il y a le chien. Ouais, le passage au début là. Ouais, ce qu'on appelle le boulot, là, le chien du boulot. Bienvenue donc dans l'émission la plus dynamique du monde, Nuisance, l'émission ouais, qui est là pour vous nuire. Je pensais que j'étais par le balcon, mais je me suis dit non. Ouais, ça peut faire un god anal, tu vois. Bienvenue donc dans l'émission la plus écoutée au siècle du monde entier. L'émission qui vous aime. L'émission qui vous adore. Ici, à Nuisance, nous vous adorons. Nous aimons. Nous tergiversons. Nous disons des âneries. Et vous dites rien. C'est à croire que vous êtes mort. Vous êtes blafard, divine, même. Que ce que je dis, c'est vrai. Allez, plus de monde. À quoi ça sert, tout ça? À quoi ça sert? Eh bien, Nuisance est là pour vous répondre. D'un point de vue ontologique, ce ne sert absolument à rien. À part à profiter du monde. Profitons ensemble, mes frères et sœurs. Blafards et livides, les zombies. Profitons du monde entier, même qu'il est à nous. C'est vrai. Je ne vous mentirai pas. Je n'oserai pas vous mentir pour deux raisons. D'abord, vous risquez de me tuer si je vous mens. Vous êtes tellement violent, vous les humains. Et je suis également pourvu d'une seconde raison que je ne révélerai pas ce soir. C'est la raison pénultième. Et non antépénultième. La pénultième raison. La pénultième façon de faire. C'est ici. Thank you. Thank you.

thank my mother and my father for having given me life. I love God, I love my mother and my father, and I fuck myself in the ass, yeah. I fuck myself in the ass deeply, deeply. I love my ass. I want to fuck my ass all my life till I die. And as I'm fucking my ass, that's what I'm asking people to do. They gotta fuck their asses. It's the only thing to do, you know. It's the only thing to do. It's the only thing we can do, you know. It's the only thing we can do. I mean, like, have you ever seen an ass that wasn't fucked by someone? I mean, itself, you know. The ass fucks itself, you know. The ass fucks itself. Qui s'est pas fait enculer aujourd'hui? Qui c'est? Hein? Toi là-bas, tu t'es pas fait enculer aujourd'hui? T'en veux? T'en veux un peu? J'en ai plein. Je suis un pauvre. Tu veux de l'encul toi aussi? Y'a pas de problème, mec. Tiens, meuf, tiens, pareil. Ouais, on se fait enculer par le système. Ouais. Enculé par le système, moi je te le dis. Mais... Endormez-vous. Créance, qui c'est qui l'a payé la créance la dernière fois, hein? C'est toujours les mêmes. Fait toujours payer les pauvres. On n'a pas marre, c'est bien comme ça, c'est normal. Comme ça, c'est normal de se faire enculer. Ouais. Vive la société. Qui s'enculent elles-mêmes. Que ce que je dis, c'est vrai. Enculez-vous les uns les autres, qui disait. Renculez-vous les uns les autres. L'amour, c'est pour les gros beaufs qui s'assoient dans le canapé et qui matent leur bière en sifflotant un air de Carmen, de Bizot, de Biaise. Réadore, ton cul n'est pas en or, ni en argent, ni en fer blanc. Là, Toulouse, le Rio loco. Le Rio est vraiment loco ce soir. Vive les fous. hypocrite. Barge, qui? C'est toi là-bas. Tu veux devenir barge? Allez, qui m'aime me suivre? Vive les corbeaux! Les corbeaux de mauvais augure. C'est nous, finalement, on sait que le monde y vient à sa fin. C'est nous la mauvaise augure. Et c'est nous les corbeaux. Comprends rien, on n'a jamais rien compris. On comprend jamais rien. Comme ça, au moins, les choses, elles changent pas, t'as vu? C'est bon, ça! Les choses qui changent pas, c'est bon! Hein que c'est bon! Dis-le! Ouais, c'est bon, ça! C'est bon, les choses qui changent pas! Hein, papa? T'as vu maman, je suis toujours ton petit fifis. J'ai pas changé. Tu pourras m'aimer jusqu'à la fin de l'éternité. Ton éternité. Aime-moi jusqu'à ta mort. Je vous vengerai, mes frères et sœurs. Mourrez d'abord, je resterai et je vous vengerai. Suivez mon bon conseil, c'est un conseil d'amis. Les amis, y'a que ça de vrai, l'amitié c'est sacré. L'amitié c'est le diamant éternel qui fait briller la vie. Vive les amis, salut les copains, tu m'encules? D'accord, c'est toi ce soir qui m'encule mon pote. Après la grande vadrouille, la grande hypocrisie. Et bientôt, la grande prison, si c'est pas déjà fait. Partout, des mondes emprisonnés par la bonne augure, des dirigeants de cette société que l'on aime, ou que l'on n'aime pas, mais qu'on n'a pas le choix d'aimer, il faut l'aimer, c'est tout. Il faut accepter la vie. T'entends, garçon? Accepter la vie. Allez, gamin, reviens, gamin, c'était pour rire, gamin. Tu y arriveras peut-être. Tête. Pauvre. Ta gueule, le pauvre. L'émission qui vous encule avec un grand A. Bon, on dit pas encule, on dit incule. À l'école, c'est la bonne éducation. Ce sont les bonnes choses à l'école qu'il faut apprendre, pas les mauvaises. Arrête de traîner. Sois quelqu'un de bien. Réponds pas. Obéis. Et après, ça donnera fornique. Baise. Bourre-la. Ou le. Nique-le, nique-la. Fais des gamins. Tire-toi une balle. C'est bien. T'as payé tes impôts ? Fais gaffe, sinon tu te prends une balle, c'est toi qui te la mettras. Tu payes pas tes impôts, tu te suicides, d'accord ? Sinon t'as pas le choix. Sinon c'est nous qui te suiciderons, en prison. Paye ! T'entends ? Rends à César ce qui est à César. Paye tes impôts. Paye. Trime. Jusqu'à la fin de ta vie, si tu crois en ça, meurs de ça. Si tu crois en ci, meurs de ci, bordel, rien à foutre quoi. Cette émission interdite aux moins de 16 ans, ou 18 même carrément, allons-y, 21 ans, 46 ans, l'émission qui m'est interdite. C'est comme Tintin, on l'a jamais vu roter ou péter, tu vois ce que je veux dire? En même temps, tu diras pas que t'as gaffe non plus. Il y a un de ses potes qui a fini dans une poubelle. On peut se demander si c'est pas le bruit et l'odeur justement. Ça va les pauvres ? Vous êtes au Rio Loco, bande de nazes ? Vous vous marrez bien, hein ? Vous avez payé ? Vous avez payé ? Vous avez payé ? Parce que si vous payez pas, vous êtes mort. Vous avez intérêt à mourir, moi je vous le dis. Et vite! GH BT TTT H T Y J Y Q K T O L Y Q O L I P O M O P M K H N H N G F B F O L F K Z D O Z G T O K T Q Q R O R T B J F J S T B B L F G V Z L O N C H B Z I V A R C R T S R B B B N W F H G S F G B N F B G S G F B G F B T B O T B O T B O T O P T O N T N O B O T O N T O N I T T O N I T B O T I P T O B L E T T A B U T I N I T N I T A N T R I J N U R D B R D B N I N I N I A I T U S F D K S F K D K S F T S A L B J J I D N F J J F D Q F G F G F Z F T S K Tich tich huit o it ir t t r s t d col d h s r t h i j u t k j j s f g h s r t e k i m f h t y t j z o m i i t r q r t h g t t s f i j u t k i r k i u r q u i k r i r y q e s f t y h w d y q w d h g f w h j j h g g j r u g d j g r g j j j l j j y y t d d i h p o y u x z j b j k l l k j h e s r x v g h b k j l l j v x w w r x t c. Il je pique j'ai joué UID établissement Zetra FGVGBH JBJHBGH si je tiens tu as joie fois et vidor as fois et as fois ZF en si as force aïe ou as pièce pièce po as fo u as po as kif klik chka et fait la chèque aussi ok kif koguk kibo et kouf ko f ko fi ko dix doif doif fouak fouak x doif doif x fos posa posa par fza op chke fpo jong j'ai fin kof j'ai que mef j'kan fo j'ai que fn ktin x pka f kif f k e p f k p f k f p k f pak p. Kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, J'ai que y a fixé, j'ai que fille que j'ai filmé que j'ai fait pied ouf gay ouf gay ouf les yédi et foyed qui est ce casse, qui est ce que dit casse, le que flic est ce que dit fait le fille et fille et soi et dit bah ils ont dit fouif que c'est fait, c'est faux qui foque fâché fâché ou et faux et ouaf fâché à eux ou y est fâché à eux ou et fille ou y a eux fâché à zédef fois à ce fouille à zédef fois à fouille à hz à zédef fâché soit à zoya zoya zoya zoya soit à doa je dis à ouf zoya dit ouf ouai knou zao et fâché zédo isa fouille zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya zoya J'ai des aouzis, zawaz et doïd et h, zodig zaofi, bloif zaofi. Zedoy FZ, JFOI ZG ZAOI GFIO ZAFOI ZOZ ZOYA ZEDOY DH ZO DH ZDO YH ZAWAF HFOI HOF ZIO ZAIF DOURE IMS FROI EGOUS DOIF BOUODI VOUFOI BOURDOI GNASIO VOUFS NOVUNE OVRNOUF TIO BZENE ZORI URIF TAOD BRIA UNRI UD. Alors si c'est pour se faire entendre, fermez vos gueules. WAYUNA WAYUK YUKARUN DROIK NOTIVIX RIUVRU INARI UNRAIN WAD BRIKFO UPS NGO SIGN JE YUKRKER RUNI SEMI OKELWAN GUIK KOZIK FNA EF NFOI EGOUD NUIF GNU YOK SFB OB FOI Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va tous se faire enculer un jour quand on crèvera, quoi. Les croque-morts nous prendront, nous retourneront et nous enculeront, quoi. Bonne nuit. Bon rêve. Thank you. quand il y a un mec qui m'a dit ouais, j'ai dit non. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est retourné. T'imagines quoi ? Il s'est retourné devant moi. Je te laisse imaginer la suite. Imagine la fin. Pénultième fin de ce mec-là. Il a explosé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est bien une explosion, je confirme. A dit le médecin légiste. Et le keuf, qu'est-ce qu'il a dit le keuf ? Il a dit, je vais manger mon donut au McDonald's en paix, prout. Pendant qu'il s'est fait payer comme un fonctionnaire. Oui, le keuf est un fonctionnaire aux grandes découvertes. On s'en était pas encore aperçu. C'est un mec qui travaille à la CAF, le keuf. C'est un mec qui passe son bac, le keuf. En cours du soir. Avoir un boulot toute sa vie et avoir la retraite pour finir en escarpin ou en moquette, ou devrais-je dire en serpillière dans la gueule par sa meuf qui le quitte quand il aura 65 ans et 2 mois après sa retraite. Merde alors. Et c'est con pour les juges aussi. Et c'est con pour les profs, et c'est con pour tous ces gens qu'ils ont cru vraiment qu'ils allaient s'en sortir, avec le fric et la naissance de leur gamin leur a obligé à prendre des crédits, et maintenant ils s'en sortent plus, et ils veulent mourir à cause des autres, c'est les autres qui veulent les tuer. Mais bah ouais, c'est comme ça, c'est normal. Et la morale de l'histoire, c'est qu'à la fin, on meurt tous. Wouh ! On sera tous morts à la fin de l'histoire. Et c'est à ce moment-là, c'est la fin de l'histoire. On est mort. Chouette. C'est la grande des raisons. La seule raison de vivre. Vous l'avez ce soir dans Nuisance, l'émission qui nuit au sens d'habitude, mais là, et maman, on vous apporte du bonheur dans tous les coins. Pour vous ce soir, ne me remerciez pas, c'est payant. N'oublions pas les grands classiques, allez vous faire enculer. Et vous faire entuber par un mammouth, givré. Un grand classique de la poésie moderne, je suis du foutre, je suis le foutre, je suis un foutre Dieu. Allons nous faire enculer. Oui. Et beaucoup, beaucoup, vive la France. Mes frères et sœurs, Français, Françaises, soyez maudits. Soyons maudits. Merde. Oui, merde. Allons se faire enculer par la société. Merde. Deux ou trois fois par jour, et tout cela en comparaison avec la tisane herbesan, il y en a rien à foutre, on en s'encarre complètement, on se le prend, on se le fout dans le nion comme un suppositoire, et pendant ce temps-là, on se prend un pif dans la gueule de merde, et on se prend une bouteille aussi, et on se la claque sur la tête, tout en pensant à sa maman et à son papa qu'on aime tellement. Et c'est à ce moment-là que je me dis, ah ouais, je m'excuse, tu vois, j'ai vraiment de la valeur, je suis quelqu'un de bien. Eh ben non, non, non, non, non, non. Je suis vraiment quelqu'un. Point de merde. Point de suspension. Comme les autres. Point de suspension encore. Jusqu'à la fin. Le pénultième point. En parlant de solution, peut-elle se généraliser peut-être ? Cette folie, avec un peu de chance, oui, la sagesse est contagieuse. Comme le sida. C'est-à-dire qu'elle s'attrape en baisant. Pour tous les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants, c'est ça que je voulais dire, évidemment. Bienvenue à Toulouse, en France. In English, if you are a foreigner, welcome to Toulouse. Born Toulouse or not born Toulouse? That is the fucking question, motherfuckers. Now, are we born Toulouse? Like, yeah, man. Yeah, we're born Toulouse. We're born to die. Yeah, that's cool, man. That's cool. We're finally equal, all of us. In death, in rotting, hellish, miasmic folly of death. Madness has taken its toll, everybody. We do not understand shit. We are Toulousains, we are Français, on comprend que dalle. Eh ben, on va se faire enculer, c'est tout. On comprendra rien jusqu'à la fin. WVHO DEFLUXERNPX ZENOISFOZEXFOZOFXNUXOFXIOFNAUDURTIRGOTSPIDLKIVOLIGVIOTFOAUV Une émission d'expression libre, certaines personnes s'expriment en déblatérant des âneries ou en ne se faisant pas comprendre, un exemple. Merci Sophie. Nuisance est donc une émission d'expression libre sur fond bruitiste. C'est donc des noises que vous trouverez en cherchant sur cette antenne tous les vendredis de 21h à 23h, quoique des fois je ne la fais pas. Souvent même. Une émission organisée et prévue au millimètre près, comme tous mes amis le savent. Tous les gens que je connais savent que je fais tout précisément, exactement, de façon prévue. Il n'y a pas d'imprévu. Une émission de professionnel. Dans une radio d'amateur. Oui, je règle mes comptes. Le matériel de Canal Sud est catastrophique. Les gens de Canal Sud sont incompétents. Je suis moi-même de Canal Sud, je suis donc catastrophiquement incompétent. Prout. Tout ça pour vous ce soir. Said again, I've said fuck at least 13 times tonight. Oh my god, what am I gonna do now? I'm gonna have to hang myself, I'm sure. I'm gonna put myself in my bed and hang myself in my dreams, you stupid fucks. What do you think? Do you think I really care? Who gives a fuck anyway? Man, woman, die. Fuck you. Fuck me. I'll die one day. It's cool, man. Yeah, fuck it! Stupid motherfuckers! Bon, j'ai assez dit fuck. Maintenant, je vais passer à... Allons se faire enculer de merde, aussi. Le prout anal, les enculeries de merde qui puent le cul. De foutre. La liberté, c'est pour les cons, parce qu'ils comprennent pas. Les cons, ils comprennent pas que la liberté d'expression libre, ça permet de s'enculer les uns les autres calmement, en sérénité et en plénitude. Fuckons-nous les uns les autres. Une émission spéciale radiation ce soir. Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Également un téléphone et un lieu, le 40 rue Alfred de Méril, le téléphone le 05 61 53 36 95 à Toulouse. Excusez-moi. fin pour finir un peu de violon. Ou de violon alto, devrais-je dire. encore une fois sur Canal Sud 92.2 FM. Nous écoutons de la grande musique, de la belle musique, de la musique noble, fière de l'être, de la musique, un point c'est tout. D'avoir écouté avec tant de ferveur et d'animosité. Les amis, bon bah vous savez déjà ce que je vais vous dire, c'est la fin.